T'as le four calé, faut pas le perdre. C'est mettre lancé, mon quartier. Au sommet, ouais, j'ai pas la fusée. Pour toi, tiens-toi prêt. Veux par terre. On veut la vida et les cocotiers. J'mets la quiche d'un deux côtés. A minuit, pile, elle veut bouger. On rentre dans le club, on va tout niquer. Qui a et qui a pas, ça règle ses comptes, on te mêle pas. En ce moment dans nos têtes ça va pas.